Genèse chapitre 32. Et Jacob continua son chemin, et les anges de Dieu vinrent devant de lui, et quand Jacob les eut vus, il dit, « C'est ici le camp de Dieu. » Et il nomma ce lieu-là Mahanagim. Et Jacob envoya des messagers devant soi, Béroès à Utréma, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. Et leur commanda, en disant, « Vous parlerez en cette manière à mon seigneur Béroès à Utréma, ainsi a dit ton serviteur Jacob, j'ai demeuré comme étranger chez Laban, et m'y suis arrêté jusqu'à présent, et j'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, ce que j'envoie annoncer à mon seigneur, afin de trouver grâce devant lui. » Et les messagers retournèrent à Jacob, et lui dirent, « Nous sommes venus vers ton frère Esaü Tréma, et même il vient au-devant de toi, ayant 400 hommes avec lui. » Alors Jacob craignit beaucoup, et fut dans une grande angoisse, et ayant partagé le peuple qui était avec lui, et les brebis, et les bœufs, et les chameaux, en deux bandes, il dit, « Si Esaü Tréma vient à l'une de ces bandes, et qu'il la frappe, la bande qui demeurera de reste échappera. » Jacob dit aussi, « Ô Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, ô Éternel qui m'a dit, retournant ton pays et vers ta parenté, et je te ferai du bien. Je suis trop petit au prix de toutes tes gratuités, et de toute la vérité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, mais maintenant je m'en retourne avec ces deux bandes. Je te prie, délivre-moi de la main de mon frère Esaü Tréma, car je crains qu'il ne vienne, et qu'il ne me frappe, et qu'il ne tue la mère avec les enfants. Or tu as dit, certes, je te ferai du bien, et je ferai devenir ta postérité comme le sable de la mer, lequel on ne saurait compter à cause de son grand nombre. » Et il passa la nuit en ce lieu-là, et prit de ce qui lui vint en main pour en faire un présent à Esaü Tréma, son frère, savoir, 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 moutons, 30 femelles de chameaux qui allaitaient, et leurs petits, 40 jeunes veaux, 10 jeunes taureaux, 20 ânes et ses 10 ânons. Et il les mit entre les mains de ses serviteurs, chaque troupeau à part, et leur dit, « Passez devant moi, et faites qu'il y ait de la distance entre un troupeau et l'autre. » Et il commanda au premier, disant, « Quand Esaü Tréma mon frère te rencontrera, et te demandera, disant, à qui es-tu, et où vas-tu, et à qui sont ces choses qui sont devant toi ? Alors tu diras, je suis à ton serviteur Jacob, c'est un présent qu'il envoie à mon seigneur Esaü Tréma, et le voilà lui-même après nous. » Il fit aussi le même commandement au second et au troisième, et à tous ceux qui allaient après les troupeaux, disant, vous parlerez en ces termes-ci à Esaü Tréma, quand vous l'aurez trouvé, et vous lui direz, voici même ton serviteur Jacob est derrière nous. Car il disait, j'apaiserai sa colère par ce présent qu'il ira devant moi, et après cela je verrai sa face, peut-être qu'il me regardera favorablement. Le présent donc alla devant lui, mais, pour lui, il demeura cette nuit-là avec sa terre. Oup. Et il se leva cette nuit, et prit ses deux femmes, et ses deux servantes, et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit donc, et leur fit passer le torrent, il fit aussi passer tout ce qu'il avait. Or, Jacob étant resté seul, un homme lutta avec lui jusqu'à ce que l'aube du jour fut levée, et quand cet homme vit qu'il ne le pouvait pas vaincre, il toucha l'endroit de l'emboîture de sa hanche, ainsi l'emboîture de l'os de la hanche de Jacob, fut démise quand l'homme luttait avec lui. Et cet homme lui dit, « Laisse-moi, car l'aube du jour est levée. » Mais il dit, « Je ne te laisserai point, que tu ne m'aies béni. » Et cet homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Alors il dit, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as été le maître en luttant avec Dieu et avec les hommes, et tu as été le plus fort. » Et Jacob demanda, disant, « Je te prie, déclare-moi ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Et Jacob nomma le lieu, Péniel, car j'ai, dit, t'est-il, vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée. Et le soleil se leva aussitôt qu'il eut passé Péniel, et il boitait d'une hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point du muscle se retirant, qui est à l'endroit de l'emboîture de la hanche, parce que cet homme-là touche à l'endroit de l'emboîture de la hanche de Jacob, à l'endroit du muscle se retirant.